Chapitre 5. Le rêve de Madame Hare. Le lendemain, l'aube était brillante, chaude et sans nuages. Le soleil inondait de ses premiers rayons la chambre à coucher de Madame Hare. Cette dame reposait au lit, les joues teintes d'un incarnat maladif et les yeux brillants et fiévreux. Le magistrat, en bonnet de coton orné d'une superbe mèche, était assis sur une chaise, occupé à nouer son caleçon au-dessous de l'articulation du genou avant d'introduire ses jambes dans son pantalon. Si ces détails de la toilette d'un homme viennent à tomber sous les yeux d'une vieille fille prudente et circonspecte, je la prie de vouloir bien en excuser le récit. Le pantalon mis, les bretelles serrées, le juge de paix jeta son bonnet de nuit sur le lit et se dirigea vers le lavabo. Et là, il plongea plusieurs reprises son visage et ses mains dans une vaste cuvette. Monsieur Hare, après s'être ainsi blanchi la figure, après avoir ajusté sa perruque du matin et s'être revêtu de sa robe de chambre, s'approcha du lit où était couchée sa femme. « Que voulez-vous pour déjeuner ? » demanda-t-il. « Une tasse de thé, voilà tout, » répliqua Madame Hare. « Je n'ai pas faim. »« Folie que tout cela, » interrompit le juge, qui n'admettait pas que l'on ne pût avoir faim. « Prenez du moins un œuf à la coque. « Vous êtes bien bon, Richard, » reprit la pauvre femme, en secouant doucement la tête. « Mais je n'ai pas d'appétit ce matin. Si vous le voulez, envoyez-moi une tranche de pain rôti. » « Vous vous croyez malade, » s'écria le juge, « mais ce n'est là qu'une idée. Tenez, si vous vouliez seulement faire un effort, secouer votre mal, vous lever, sortir un peu, vous feriez un bon déjeuner qui vous remettrait pour toute la journée. Voyons, suivez mon conseil. » « Non, en vérité, je n'aurai pas la force de me lever ce matin. Faites-moi le plaisir d'ouvrir cette fenêtre avant de descendre. Je voudrais respirer l'air frais du matin. » « Cette fenêtre vous donnerait trop d'air, » répondit le juge, et en ouvrit une autre plus loin. Si sa femme lui demandait d'ouvrir cette dernière, il n'aurait pas manqué de faire le contraire. Son opinion réglait uniquement sa volonté. Alors il descendit. Au bout d'une ou deux minutes, monta la petite Barbara, belle et brillante comme l'aube. Elle avait une robe de mousseline rose, ornée de rubans, avec des manches ouvertes de dentelle blanche. La jeune fille se pencha vers sa mère et l'embrassa. « Êtes-vous malade ? » dit-elle. « Ma chère Barbara, » interrompit Madame Hare, en promenant des regards craintifs autour de la chambre et en parlant à voix basse. « J'ai encore eu de ces rêves affreux. Oh, ma mère !»« Il ne faut plus en faire de pareil, » s'écria Barbara, tressaillant de dépit. « Pourquoi vous laissez ainsi influencer l'esprit par un songe ? Cela est vraiment ridicule. »« Enfant, que voulez-vous que j'y fasse ?» ajouta Madame Hare en lui prenant la main et en l'attirant à elle. « Non, je ne m'abandonne pas à mes rêves. Mais puis-je les empêcher de me rendre malade et de me causer une fièvre qui m'accable ? Est-ce un bien mauvais rêve, ma mère ? Oh, bien terrible, mon enfant. Je rêvais que le véritable assassin venait à Westline, qu'il était ici, près de nous, et que nous le parlions du meurtre comme on ne l'aurait parlé avec tout autre visiteur. » « À qui donc ressemblait-il cet étranger ? » demanda tout bas Barbara. « En vérité, je ne saurais le dire. Le souvenir de ses traits s'est effacé en même temps que le rêve. Il avait la mise d'un gentleman, et nous causions avec lui comme avec notre égal. » Barbara avait l'esprit rempli du capitaine Thorne, son nom n'ayant pas été prononcé devant Madame Hare. Barbara ne voulut pas non plus le prononcer, et sa mère dut lui parler deux fois pour en tirer une réponse. « Dites-moi, Barbara, qu'en pensez-vous ? Voilà un rêve que rien ne provoque, que rien n'appelle. N'y voyez-vous pas un sinistre présage ? N'en doutez pas, il se prépare encore quelque événement relatif à ce meurtre affreux. Vous savez bien, ma mère, que je ne crois pas aux rêves. Je regarde comme la plus grande absurdité du monde de voir dans un songe le signe d'un événement. Mais je voudrais savoir si vous vous rappelez la physionomie de l'homme dont l'apparition a tant troublé votre sommeil. Je voudrais pouvoir m'en souvenir, répondit Madame Hare, en brisant une parcelle de son parouti. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'il avait l'air d'un gentleman. Était-il grand ? Avait-il les cheveux noirs ? Madame Hare secoua la tête. « Je vous le répète, mon enfant, le souvenir s'est effacé de ma mémoire. Je crois cependant qu'il était grand, mais il était assis, et Otto et Bethel debout derrière lui. Il me semblait que Richard se tenait caché derrière la porte, tremblant qu'en sortant l'homme ne le vit là. Moi aussi je tremblais. Oh, Barbara, quel rêve affreux ! Mais pourquoi m'avez-vous demandé si l'homme était grand et avait les cheveux noirs ? » Barbara donna une réponse évasive. Dire à Madame Herr qu'il y avait la moindre analogie entre son rêve et la réalité, c'eût été surexciter son imagination. Il y eut une pause, puis Barbara reprit. « Irai-je vous chercher une tasse de thé, maman ?»« Non, mon enfant, mais envoyez-la, car j'ai encore soif. »« Quant à vous, allez déjeuner. »« Que va penser votre père si vous ne redescendez pas ?»« Veillez même à votre physionomie. »« J'ai toujours peur qu'il ne soupçonne que nous nous occupons de Richard. » « Eh bien, ma mère, quel mal y aurait-il à cela ?»« Silence, Barbara, silence !» répéta Madame Herr à voix basse. « Vous savez le serment qu'il a fait de traduire Richard devant les tribunaux. Vous connaissez son caractère inflexible et vous savez qu'il croit Richard coupable. Votre père est si entêté !» ajouta vivement Barbara. L'épithète échappa à la petite impertinente avant qu'elle n'eût le temps de l'arrêter sur ses jolies lèvres, qui boudèrent d'un si vilain mot. « Barbara, reprit la mère, j'allais vous dire que votre père est si juste. Eh bien moi je soutiens qu'il serait cruel, dénaturé même, plutôt que juste, s'il consentait à livrer son fils aux mains de la justice. » Il y avait de l'amertume dans ces paroles de la jeune fille, mais aussi il y avait des larmes dans ses regards. Elle eut grand soin de les essuyer avant d'entrer dans la salle à manger. L'après-midi, à 4 heures, lorsqu'on se mit à table pour le dîner, Madame Herr se trouvait mieux. Durant le repas, la conversation roula principalement sur l'accident survenu à Joyce. Après qu'on eut desservi, le juge ne resta que peu de temps à savourer son vin de Porto, car il avait pris l'engagement d'aller fumer un cigare chez l'un de ses confrères, M. Herbert. « Serez-vous de retour pour le thé ?» lui demanda Barbara au moment où il se disposait à partir. « Est-ce que cela vous regarde, mademoiselle ?» riposta M. Herr. « Nullement. Je voulais seulement savoir si nous devions vous attendre pour le thé. » « Non, ne m'attendez pas. Je passe la soirée chez les Herbert. » Se disant, il s'en alla, parcourant d'un pas majestueux la grande allée sablée. Barbara se mit alors à danser, à sauter d'un air joyeux tout autour de la salle. On eût dit que le départ de son père la soulageait d'un grand poids. « Barbara !» s'écria tout à coup Madame Herr. « L'accident arrivé à cette pauvre Joyce me fait beaucoup de peine. J'ai envie d'aller tantôt jusqu'à Eastline, demander de ses nouvelles. Qu'en dites-vous ? » Le cœur de Barbara battit plus vite. Son amour pour Carlyle était durable et sincère. Forcée qu'elle l'était de l'ensevelir tout entier en elle-même, il n'en avait que plus de force et de profondeur. En juger par ses manières, tantôt froides et réservées, tantôt joyeuses et folâtres, jamais on n'eût pu deviner que dans son âme vivait encore le souvenir de cet homme qu'elle avait tant aimé. À l'idée que bientôt elle allait le revoir, tout son être tressaillait de bonheur. « Vous désirez y aller à pied, ma mère ?»« Oui, je m'en sens la force. Quand partirons-nous, Barbara ?»« Mais vers 7 heures, si vous le voulez bien. »« À merveille, » ajouta Madame Herr. Quand elles se mirent toutes deux en marche pour se rendre à Eastline, la soirée était charmante. On voyait, on entendait murmurer, au milieu de l'air tiède, les cousins qui semblaient mettre à profit les derniers beaux jours du déclin de l'été. La promenade fut délicieuse pour Madame Herr. Mais avant d'arriver à Eastline, elle comprit que la tâche surpassait ses forces. D'ordinaire, elle calculait mieux les distances. Sans doute aussi, la fièvre et l'agitation du matin l'avaient quelque peu fatiguée. S'appuyant sur la grille d'entrée, elle demeura immobile. « J'ai eu tort de venir, Barbara. »« Prenez mon bras, ma mère. Nous irons jusqu'à ce banc que vous voyez là-bas, et vous pourrez vous y asseoir un instant. » On arriva au banc, qui se trouvait placé sous l'ombrage des arbres du parc, juste en face de la grille de la route. Madame Herr s'assit en cet endroit. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées que Carlyle, sa femme et sa sœur, qui faisaient un tour de promenade, s'approchèrent de Madame Herr et de Barbara. Francis Levison était avec eux, ainsi que les enfants de Carlyle, excepté le plus jeune. Lady Isabelle fit à Madame Herr un chaleureux accueil. Elle avait conçu pour cette femme délicate et souffrante un sincère attachement. « Vous devez me trouver bien ridicule, Archibald, » s'écria Madame Herr. « C'est à peine si je puis arriver jusqu'ici, tant je suis malade, et cependant, je viens m'informer des nouvelles de la pauvre Joyce. »« Eh bien, vous passerez la soirée avec nous, » fit Lady Isabelle. « Vous aurez ainsi le temps de vous remettre. »« Diantre, » se dit à lui-même le capitaine Levison, qui de loin venait d'apercevoir les deux visiteuses. « Voilà une fille qui me paraît bien jolie. Allons, approchons-nous. » Il s'approcha en effet, et on le présenta. Après quelques mots d'usage en pareille rencontre, le capitaine disparut en défiant le petit William à la course. que je suis peiné de voir votre mère aussi souffrante, fit Carlyle en s'adressant à Barbara, tandis que Madame Hare était toute entière à une conversation avec Lady Isabelle et Mademoiselle Carlyle. Elle s'est fatiguée à venir ici, mais une autre circonstance a contribué à la bouleverser aujourd'hui. Carlyle interrogeait Barbara du regard. Ma mère, continua la jeune fille, a encore eu un de ces rêves qui la poursuivent si souvent. Il me semblait que depuis longtemps elle avait fait bonne justice de ses visions chimériques. Vous le savez, reprit Barbara, moi je ne crois pas aux rêves, mais ceux de ma mère ont vraiment une étrange analogie avec la réalité, surtout celui de la nuit dernière. Quel était donc ce rêve? Barbara raconta l'avoué le songe qu'avait eu sa mère. Qu'est-il là d'étrange, Barbara? Ce qui est étrange, c'est que dans tous ses rêves, elle voit infailliblement Otway Bethel. Et puis savoir qui jouait le rôle de l'assassin dans ce nouveau rêve de Madame Hare? Demanda Carlyle, d'un ton aussi grave que s'il n'eût pas parlé d'un sujet que l'on tourne d'ordinaire en ridicule. Elle ne saurait se le rappeler. Tout ce qu'elle en sait, c'est qu'il lui semblait un gentleman, et que nous le traitions comme tel dans notre conversation avec lui. C'est là encore une circonstance assez remarquable. Je n'en doute plus, Barbara. Vous voilà convertie à la théorie des rêves. Comme vous en parlez sérieusement, fit Carlyle en souriant. Non, je ne crois pas aux rêves, mais je suis sérieuse quand il s'agit de mon cher frère. Ah, s'il dépendait de moi, de débrouiller ce mystère, je ne ménagerais ni peine ni fatigue. J'irais à pied, au bout du monde, pour mettre la vérité dans tout son jour, et si jamais sa thorne revient à West Lynne, je saurais, oui, je saurais le démasquer et le confondre. Ce thorne ne me paraît pas très pressé d'honorer West Lynne de ça, car là il s'arrêta. Barbara, d'un geste significatif, appuya sa main sur son bras. Tout en causant, ils avaient traversé le parc et se trouvaient dans le jardin d'agrément, parcourant une allée paisible ombragée de chaque côté par une chaîne de rochers artificiels. À califourchon sur une crête de ces rochers, au-dessus de l'endroit où étaient précisément Carlyle et Barbara, se trouvait Francis Levison. Il faisait semblant d'enrouler avec beaucoup d'attention une lanière de cuir autour du manche d'un fouet. Avait-il entendu leur pas ou non? Toujours est-il qu'il ne tourna pas la tête de leur côté. Ils hâtèrent le pas et quittèrent l'allée, se dirigeant vers le groupe des dames. Aurait-il entendu ce que nous disions? Fit Barbara en soupirant tout bas. Il a dû nous entendre quelque peu, Barbara, à moins qu'il n'ait des distractions. Mais alors même qu'il aurait surpris quelques débris de notre conversation, je n'y vois pas grand mal. Je vous parlais du capitaine Thorne, de l'assassinat commis par lui, n'est-ce pas? Oui, mais vous n'avez rien dit de Richard ni de ses démarches. Ainsi, soyez sans inquiétude. Levison ignore toute l'affaire, elle lui importe peu. Pour lui, le nom de Thorne ou même le sujet de notre entretien, s'il les entendait mentionner, n'aurait nul intérêt. Cela, comme on dit, lui entrerait par une oreille pour sortir par l'autre. En parlant ainsi, il la regardait vraiment avec tendresse, et Lady Isabelle n'était plus assez éloignée pour ne pas remarquer ce regard. Elle n'avait pas lieu d'en être jalouse, ce regard n'était pas une trahison. Toutefois, elle en prit note. Elle n'avait pas été non plus sans s'apercevoir qu'ils s'étaient éloignés pour se promener ensemble. Aussi arriva-t-elle à la conclusion bien téméraire que cette promenade avait été préméditée, qu'ils s'étaient éloignés d'elle pour jouir à la dérobée de la compagnie l'un de l'autre. Ce soir-là, il y avait dans les charmes de Barbara une si merveilleuse attraction que Carlyle ou tout autre devait en subir l'influence. Le goût, l'élégance, la légèreté de sa mise d'été, ses brillants yeux bleus, ses traits charmants, l'incarnat de ses joues, tout séduisait les regards. Elle avait défié les rubans de sa jolie coiffure blanche et jouait avec eux d'un air plus rêveur qu'impatient. « Ma bonne Barbara, comment retournerons-nous ? » fit Madame Hare. « J'ai bien peur qu'il me soit impossible de faire le chemin à pied. Je regrette de n'avoir pas donné l'ordre à Benjamin de venir avec le phaéton. On peut l'envoyer prévenir, » suggéra Carlyle. « Tenez, Barbara, » ajouta vivement la vieille dame, « voilà Tom Herbert qui se dirige du côté de notre maison. Il dira d'envoyer le phaéton. Courez, mon enfant, vous le rattraperez. » Barbara, aiguillonnée par ces mots, s'élança vers la grille, et en moins d'une seconde, elle avait atteint M. Tom Herbert. « Comptez-vous passer devant chez nous ?» lui demanda Barbara, tout en remarquant qu'Otway Bethel se trouvait également présent, mais à quelque distance de l'autre côté de la route. « Oui, pourquoi ?» répondit Tom Herbert, qui avait toujours la parole brusque et les habitudes pressées. « C'est que ma mère vous serait fort obligée, si vous vouliez dire à Benjamin d'amener le phaéton. « C'est entendu, je vous l'enverrai. Mais à quelle heure ?»« À 10 heures, si vous le voulez bien. Nous serons ainsi de retour avant mon père. » « À merveille, » fit Tom Herbert. « Votre père, le mien et 2 ou 3 autres vieux gripsous s'amusent en ce moment à remplir la salle de nuages de fumée. Ils vont s'en donner ainsi jusqu'à l'heure du souper. « Aimez-vous les pique-niques, mademoiselle ?»« À la folie, » répondit Barbara. « Eh bien, nous allons en monter quelques-uns d'ici à 15 jours, car Jack est de retour, vous le savez. »« De retour ?» s'écria Barbara avec étonnement. « Oui. » Il est arrivé aujourd'hui même avec un de ses camarades, officier comme lui. Il lui faut des distractions, des plaisirs et des fêtes. Ainsi, tenez-vous-le pour dit, et soyez prête à accepter toutes les invitations qui vont pleuvoir. Adieu. Bonsoir, mademoiselle Hare, ajouta Otto et Bethel. Barbara crut entendre en ce moment marcher d'un autre côté. Elle tourna rapidement la tête. 2 hommes qui se donnaient le bras se trouvaient auprès d'elle. L'un d'eux était Jack ou le major Herbert. Il s'arrêta et lui tendit la main. « Il y a quelques années que nous ne nous sommes vus, » dit-il, « mais je n'ai pas oublié la charmante figure de mademoiselle Barbara. Vous n'étiez alors qu'un enfant, et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui une grande et belle fille. « Votre frère, » continua Barbara en riant, « vient à l'instant de m'annoncer votre retour à West Line. » Barbara, interdite, s'arrêta court, et ses joues se colorèrent de la rougeur de l'émotion. Quelle était donc cette autre figure? Qui était ce compagnon du major Herbert, là, debout devant elle? Elle n'avait vu cette figure qu'une seule fois, mais cela avait suffi pour l'aggraver en traits de feu dans sa mémoire. Barbara perdait peu à peu sa présence d'esprit. Elle ne pouvait plus écouter ce que Herbert continuait à lui dire. Elle ne songeait plus à lui répondre. Ses grands yeux, démesurément ouverts, se fixaient immobiles sur l'étranger, comme si son regard l'eût fasciné. Tous les traits de sa physionomie exprimaient l'inquiétude, une vive anxiété, et ses lèvres pâlissaient à vue d'œil. L'homme qu'elle voyait était-il bien un être réel, de chair et d'os, ou bien n'était-ce qu'un fantôme qu'avait évoqué en son âme les rêves que lui contait sa mère? Le major Herbert ne tarda pas à reconnaître que Barbara était tout entière préoccupée de son compagnon. Et il se fit en conséquence un devoir de le lui présenter. « Le capitaine Thorne, » s'écria-t-il. À ce nom, Barbara tressaillit, et elle porta involontairement la main à son front, comme si elle sortait d'un sommeil profond. Le sentiment lui revenait peu à peu. « Je regardais ainsi le capitaine Thorne, » balbutia-t-elle, « parce qu'il me semble que sa figure ne m'est pas inconnue. Il y a 5 ans, je suis resté 1 jour ou 2 à West Line. » « Ah oui, je comprends, » répondit Barbara, sans trop savoir ce qu'elle disait. « Allez-vous faire un long séjour ici ?»« Nous avons un congé de plusieurs semaines, mais j'ignore si nous le passerons en ces lieux. » Barbara se sépara d'eux. Une foule de pensées assiégèrent son esprit, tandis qu'en courant, elle retournait au château. Elle monta au salon et, le traversant tout entier, elle arriva près d'un groupe composé de sa mère, Mademoiselle Carlyle, Monsieur Carlyle et la petite Isabelle. Elle n'aperçut pas Lady Isabelle, et quant à Madame Hare, elle venait à ce moment de quitter la chambre pour aller voir Joyce. Barbara se glissa auprès de Carlyle, et lui touchant vivement l'épaule, elle recula en arrière jusqu'à la porte, lui faisant signe de la suivre. Carlyle s'approcha d'elle. « Il faut, Archibald, que je vous parle seul, » murmura la jeune fille. « Ne pourriez-vous pas sortir quelques instants ?» Il sortit ouvertement, marchant à ses côtés. Pourquoi ne l'eût-il point fait? Qu'avait-il à cacher? Par malheur, Lady Isabelle, qui n'était entrée dans la chambre qu'une seconde et qui sortait pour rejoindre Madame Hare, avait aperçu Barbara au moment même où elle touchait le bras de son mari. Bien plus, elle avait remarqué son émotion et entendu ses paroles. Elle se dirigea vers l'une des fenêtres du salon et les vit porter nonchalamment leurs pas du côté de l'endroit le plus solitaire du parc. Elle vit son mari renvoyer la petite Isabelle qui jusqu'alors les avait suivis en courant. Jamais, depuis son mariage, la jalousie de Lady Isabelle n'avait été excitée autant qu'en cette circonstance. « Je sais à peine si je veille ou si je rêve, » fit Barbara en portant la main à son front. « Pardonnez-moi de vous avoir ainsi brusquement entraîné à ma suite. Voyons quels sont les secrets d'État que vous avez à me communiquer, » demanda Carlyle en plaisantant. Nous parlions tout à l'heure du rêve qu'a eu ma mère. Vous savez que depuis ce rêve, elle demeure convaincue que l'assassin se trouve à Westline. Eh bien, il y a un moment. « Mais qu'avez-vous donc, Barbara ? » dit-il en reconnaissant qu'elle avait peine à articuler ces mots, tant son émotion était vive. « Je viens de le voir » cria-t-elle d'une voix sourde et rauque. « Vous venez de le voir ? » répéta Carlyle, la regardant fixement pour s'assurer s'il y avait autant d'incohérence dans ses idées que dans son langage. « Quels sont les derniers mots que je vous disais ? N'était-ce pas que si jamais ce Thorne revenait à Westline, je remuerais ciel et terre pour le confondre sous le poids de mes preuves ? Eh bien, il est ici, Archibald. De plus, quand je suis allé tout à l'heure à la grille pour parler à Tom Herbert, le major Herbert s'y trouvait également, et avec lui le capitaine Thorne ainsi que Bethel. Le capitaine Thorne séjournera probablement ici quelques semaines. Il est en congé. Voilà une singulière coïncidence, fit Carlyle. Oui, le rêve de ma mère se réalise, continua Barbara avec agitation. Au détour d'une allée ouverte, ils se trouvèrent face à face avec le capitaine Levison. Il semblait flâner, ou plutôt s'être arrêté en cet endroit. Ses mains se cachaient sous les basques de son habit. Le capitaine les accosta d'un air familier et parut vouloir les accompagner. Mais personne ne possédait mieux que Carlyle le talent de remettre un présomptueux à sa place, sans toutefois se départir des règles du bon goût et des usages du monde. « Si vous le permettez, capitaine, j'irai me rejoindre dans un moment, » fit-il, et un geste de sa main acheva sa pensée. Puis il se dirigea avec Barbara vers une autre partie du parc. « Aimez-vous ce capitaine Levison ? » demanda-t-elle quand ils ne furent plus à portée d'être entendus. « Je ne puis dire que je l'aime. C'est un individu qui ne gagne pas à être connu. Il me fait l'effet d'un grand sournois, et je m'imagine qu'il nous espionne. Non, non, Barbara. Quel intérêt aurait-il à le faire ? » Barbara, sans trop pouvoir s'en expliquer la raison, éprouvait déjà pour cet homme une franche antipathie. Toutefois, elle laissa de côté ce sujet pour reprendre celui qui la préoccupait davantage. « Qu'allons-nous faire maintenant à propos de ce Thorne ? » dit-elle. « Ma foi, je n'en sais trop rien. Je ne puis guère aller trouver cet individu et lui dire sans cérémonie « Monsieur, vous êtes l'assassin de Halley John. » D'autant plus, Barbara, que rien ne nous garantit que ce soit là l'homme auquel a fait allusion votre frère. « Oh ! Comment pouvez-vous en douter encore, Archibald ? Sa présence ici, en ce moment, le rêve de ma mère, ne sont-ce pas la preuve suffisante ?»« Non, pas absolument, » fit l'avoué en souriant. « Ce que nous avons de mieux à faire, voyez-vous, c'est de procéder avec patience et prudence, et de tâcher de découvrir s'il est véritablement l'homme dont il s'agit. « Et vous seul pouvez vous acquitter d'une semblable tâche, » ajouta Barbara en soupirant. Ils repèrent le chemin de la maison. Quand ils entrèrent au salon, le capitaine Levison, qui avait pris le devant, se tenait debout auprès de Lady Isabelle, assise dans l'encoignure de la fenêtre, les yeux fixes et l'âme en proie à sa folle jalousie. « Quelle est donc cette demoiselle Hare ?» murmura effrontément et avec cynisme le capitaine Levison en se penchant vers Isabelle. « Votre mari et elle paraissaient trop mieux ensemble. Voilà déjà deux fois que je les rencontre ce soir, se promenant à l'écart et causant à voix basse. « Est-ce à moi que vous osez parler ainsi ?» répliqua Lady Isabelle d'un ton hautain et en lançant sur lui un regard courroucé. « Oh, je ne songeais nullement à vous offenser !» ajouta-t-il avec son aplomb ordinaire. Mais il avait atteint son but. Les paroles qu'il venait de prononcer avaient mis le feu dans l'âme d'Isabelle. C'est là ce qu'il s'était proposé de faire. Il comprenait qu'il n'avait que trop bien réussi, et il s'en frottait les mains.